c'est Rail Suprême sur Skyrock.

DJ Case, ouais, le dimanche soir sur Rail Suprême. Et ouais, toujours Case, là, et aussi sur les réseaux sociaux. Évidemment, alors où? Alors sur Facebook, c'est DJ Case, DJ espace K-A-Y-Z. Et sur Twitter, Instagram, Snapchat, c'est DJ Case Paris. Voilà, ben maintenant je fais des snaps, comme tu peux le constater. Ah, j'ai vu, oui. Des torse nus, des trucs de fou, voilà, quoi, des muscles. Enfin, ouais, des trucs assez incroyables. C'était pas les miens. Ah bon? Donc voilà, snap, et n'hésitez pas. D'ailleurs, on va même envoyer des snaps là. Des soirées ou pas qu'ils ont annoncé? J'ai pas sur moi en tête. Il y a Ayad là. Mais il y a quand même Monsieur Ayad le booker qu'on voilà. Oui. On salue. Évidemment, qu'on salue parce que de toute façon, comme il est très fort, on peut que le saluer. De peur d'avoir des ennuis par la suite. Il a tout sauf le programme, donc faut m'expliquer. Et ben en tout cas, prochainement près de chez vous. Allez voilà, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, il y aura tout. Et surtout sur Skyrock maintenant, c'est reparti pour une nouvelle session DJ Case. On y va. La seule émission qui fait rapper les artistes en direct tous les soirs sur Skyrock, c'est Planet Rap. Planet Rap. Cette semaine, c'est la nouvelle voix féminine du rap game. Je sers de la good vibes à ta génération. Tila te dévoile son univers au micro de Planet Rap. Donne-moi la main, je passe par le micro. Pousse-toi, man, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3, test pour le début. 1, 2, 3, 4 pour le déluge. Quand je veux, mon flow se décuse. C'est Planet Rap Tila. Tous les soirs, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Écoute, tu seras perché comme Walter. Et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Comment la séduire? Plutôt jean ou survêt? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y'a plus qu'à télécharger. Yax, Y-A-X. Tous les matins, Diffoul a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, bravo. Ouais. Une trentaine, une cinq, ouf, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh l'équipe, c'est Jules, Maître Gim, c'est le Black M en personne. Oui, moi je suis Vierge Marie. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. DJ Case. On garde toujours les stars. Rise Suprême. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Mon père et ma mère. Et c'est le soleil qui nous éclaire. M'aurait bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet système. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardise d'Arsa, c'est le coup de grippe, Rachid système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme l'intifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache, t'as les trabendo. Et si on tourne ouvert aux critiques, photo. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rachid système, gros. When I'm the avec Fred et DJ K sur Skyrock. Ok. خاطر تلمان الحفلة ديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تلمان I'm tout le monde. Hit the bump, this la ceinture LV. On a le sang chaud, Algérien danger. Oriental Dream 2015, c'est l'Alger. Ce soir c'est cabaret, cabaret, travel, ballon de carabina. Je fais danser les Samira, Khadouji, même Katarina. Hey, wa, Yaz dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. Je suis dans mon bolide. Chemise hawaïenne, je suis à Marseille, lunettes personne, je fais mes affaires, besoin de personne. Ramanda bouge ta numéro 1 dans le high game. Dans mes showcases que des bombes qui se ramènent. Je fais mes khalis, des tests, n'est pas la haine. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est la merde. Je suis dans mon bolide. Et détends-toi cousine et vas-y j'ta. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. Elles font les belles, ils font les stars. Et digue, digue, digue, digue, vas-y j'ta. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. J'suis dans mon bolide. ملكهم بعينين انا وياها رانا متهمين وانتم اقعدوا التالين هلية هلية مالكم غايرين في وجوهكم ملكهم بعينين انا وياها رانا متهمين وانتم اقعدوا التالين شادي بادي قال لي راسي ادي هادي ولا هادي غيرت بنت بلادي موتوا موتوا عليني شادي بادي قال لي راسي ادي هادي ولا هادي انا خيرت بنت بلادي موتوا موتوا عليني فكرت J'ai grandi entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, dansant. J'ajuste à 300 dansant, pensant en notre pays. C'est avant la pupille, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on croit pas mal et Dieu râle. Mais putain, sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire, on t'admire. Je menace, pas après, je m'en irai. Vivant, on lit devant, gardez l'espoir. Comme le grand-père en première ligne, on défoire l'histoire. C'est un bizarre, les clés qui en trance. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confient à Tarasli. Tu sais que le chef du chef, il s'appelle Husli. Salut, c'est DJ Kays, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Like yes, back it up like yes, after the club.

tranquille, on vous regarde et on picole. Tu leur un APS, y'a que des mecs de test. La Colombine qui m'accoste, elle a des bêtes de fesses. Au pire, la bête de cesse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, si la gare dans un cassette. Notre mita à nous, c'est 16. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et je cache mon choc dans ses pèses. J'me réveille, j'vois pas habillé en rose, frère. J'ai pas la bite, c'est soi-disant vendu en costard. J't'ai tendu le bouchon bleu, donc vas-y, mets la gosse, frère. En ce moment, j'ai des problèmes, j'vois bien, j'me couche tard. Mon grand frère est au star, le petit est posté. Maman, t'as plus à t'en faire, car le petit est costaud. Elle a tout ce qu'il faut, oui, il faut, ben j'vais la coster. Son gars, tu fais le fou, ben il finit à l'hosto. Boum, boum, boum, boum. Toute ma vie, on m'a jalousé, j'en suis devenu paro. Mademoiselle, t'as pas l'air gentille avec une tenue parée. J'ai un paquet de soucis, du Dolly dans le paquet de garo. Donc j'ai pas le temps pour me caler. J'ai vu des frelons par terre, m'en parle pas. J'suis dans le bloc et j'fais mon job, j'suis rapta. La cliente est pimpante, j'suis barbare. Mais ça m'empêche pas de lui prendre son number. Ah ouais, elle est partante. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le gérant vient de partir. Boum, boum, boum, boum. J'ai au portier de bloquer. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va finir dans le local. Ouloulou. J'quitte le poche, m'en bats les couilles. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'la charge en baisse pas. La, la, la, la, la. Boulet de belle vue d'elle. Ouloulou. J'ai croisé mon père. Boum, boum, boum, boum. Et tout Marseille crie. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Montpellier crie. La, la, la, la, la, la. Panam cri, ou Lyon cri, et tous les tchèques cri. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est DJ Case, DJ Case. Agi wahdo, ana kidi khina. Azawar, douga yono yan imik. Ouri ghataba, midna dna. سوق كل شيء وريقي وينو كيهمني راسي غدا وبعدو بلاد المدوي خليهم يقولو واليوم اتهنيت وتسحابو لي بيل وبلاد المدوي خليهم يقولو انا Rock. Sorti qu'albi ma goutte ici. L'autre bido. On a bouhdi t'alif. On a bouhdi d'af. Rambik. Nsiti klamik. Nsiti roudik. On a lik. Kanchoufak fukhyali. On a fattariri ghadi. Sortu قدامي حمقتيني بايباي قلبي طاح في هواك وانا عايم فيه جيه وحشك بساف رانا فيك انسان جيه نغني باش نخرج اللي ما بغيت وما همني انا عييت ولا صبرك فهمني خاصي فلوس خاصني حاجة كيف ندي باش نبات وانا عندي انا عييت ولا صبرك فهمني غادي شوف انا كيف ندي وخلال غالي نعيش مهم عندي ابلي ما دويك لسي وي راني بين عشراني ولا حاجة تغلبنا وإلا كنتي ديما حاضر ديري ديك معانا اللي راسك عامر بارطاجي وعلمنا يلا نعيشوا الحياة C'est magique. عايش وحداني عبيدك ماما السما ولدرك فارغمس كي يبو بو دندرو Sky Suprême, DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ma chérie, venez à chez moi. ايام زماني كتساب مسكينش ما بيفاق ردوا ليامي وما دفاع قلت قدامي حرموني مش بابي واني كنت صغير في الروح جوجوني شيباني ما كيلاش ما كيلاش اللي فجماني ايام جدادي ايام الزينة جاد ليام الزينة جات minuit 2h Rail Suprême c'est Rail Suprême sur Skyrock Mimi a tu kunji tere paake rakh la Mimi a tu kunji tere paake rakh la Mimi a tu kunji tere paake rakh la palle vich mukda nu paake rakh la tera ki kasoor chand chillne ho gaye sikh ki alama chir milne ho gaye naam ke rakh liye jovan putari mun ke ni auni e bahar mundi Mimi a tu kunji tere paake rakh la palle vich mukda nu paake rakh la tera ki kasoor chand chillne ho gaye sikh ki alama chir milne ho gaye naam ke rakh liye jovan putari Right here. All my niggas on the right, making I'm all the way up, all the way up, all the way up. I'm all the way up, all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Show what you want, show what you need. My next run game, we ain't never leave, never leave. Counting up some money, we ain't never sleep, never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got. Show what you want, I got what you need. I'm all the way up. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen.